Avant de commencer, nous voulions vous dire que notre petite série, L'Aventure de Noël, vous est offerte par ribambelle.com, le site des activités en famille. Bon épisode! Les petites histoires de Tell Me. L'aventure de Noël. Le conteur disparu. S'il y a bien quelqu'un que tout le monde adore à Sylvebourg, c'est Kilibien. Chaque dimanche, les enfants se lèvent d'un bond car 10 heures, c'est l'heure du conte. Sur la grande place, ils se pressent tous pour l'écouter. Mais aujourd'hui, une drôle de surprise les attend. Le maire annonce que la star des histoires n'est pas là et qu'il ne répond pas au téléphone. Dans la foule, ça chouine et ça proteste. Baya et Léo, eux, sont préoccupés. Pourquoi Kilibien n'est pas là? Il n'a jamais raté un seul rendez-vous. Ils doivent mener l'enquête. Direction, la maison de Kilibien. Une sonnerie, deux sonneries, trois sonneries, personne n'ouvre. Mais des bruits viennent de la cave. Les enfants rampent jusqu'à la fenêtre. Ce qu'ils voient les cloue sur place. Baya doit mettre sa main devant la bouche de Léo pour qu'il ne crie pas. Le vieux conteur donne une représentation devant des dizaines de bonhommes de neige qui l'écoutent avec attention. Les enfants observent la scène ébahis. À un moment, le plus petit d'entre eux sort de la cave, accompagné d'un souffle polaire. Juste après, le voilà qui leur tapote l'épaule, l'air visiblement contrarié. « Je m'appelle Ron. Que faites-vous ici ?» Baya est offusqué. Ce bonhomme de neige ne manque pas de toupet. « C'est plutôt à nous de vous poser cette question. » « Les histoires de Kilibien sont les seules à pouvoir nous protéger de la chaleur. » Stupeur et incompréhension refroidissent l'atmosphère avant que Léo ne pouffe. « La neige fond, c'est normal. Et puis, les histoires, ça ne protège de rien. » « Vous vous trompez. Chaque histoire est magique. En plus de vous transporter très loin, certaines ont même de grands pouvoirs. C'est Norchax qui nous l'a dit. » Face à la mine sceptique des enfants, Ron poursuit. « Norchax est notre ami. Il est venu nous voir il y a quelques jours au sommet du mont Lao. Avec ses histoires formidables, nous avons visité plein de contrées étranges et vécu de très belles aventures. » Hier, il nous a raconté que la chaleur allait bientôt conquérir notre montagne, que nous étions en danger et que seules les histoires de Kilibien pouvaient nous sauver. Léo est atterré par tant de naïveté. Baya prend le relais. Mais comment vous avez pu convaincre Kilibien de vous aider, malgré la froidure que vous répandez autour de vous? On lui a mis un collier que Norchax nous a donné. Maintenant, il est protégé du froid et il nous raconte toutes les histoires qu'on veut. Baya frissonne d'effroi. Léo se précipite à la fenêtre. Le conteur porte un pendentif verdâtre attaché par une chaîne noire, comme la nuit. Ils doivent le libérer, mais comment faire pour ne pas finir en glaçon? Baya ne voit qu'une solution. Ron, si on vous prouve que Norchax vous a menti, est-ce que vous libérerez Kilibien? Je ne sais pas si les autres accepteront. On aime vraiment les histoires. Ne vous inquiétez pas. Je crois que j'ai la solution. Les enfants foncent chez eux pour revenir quelques minutes plus tard, emmitouflés chacun dans quatre manteaux, trois écharpes et six bonnets. Face à la porte de la cave, l'appréhension monte. Ils frappent timidement. Ron leur ouvre. Derrière lui, les mines froncées de ses congénères n'ont vraiment rien de rassurant. Léo inspire profondément, se racle la gorge et soulève ses livres. Chers amis des neiges, Norchax vous a menti. J'ai une histoire à vous raconter pour tout vous expliquer. Intrigué, il se presse autour du garçon. À la fin de ses lectures, l'ambiance est glaciale, les mines déconfites. Ils ont été dupés. S'ils restent à Sylvebourg, c'est la fonte assurée. Ils vont devoir retourner dans leur montagne sans jamais plus avoir d'histoire. Attendez ! Souffle Baya. Mon papa s'occupe de la radio de la ville. Il diffuse les histoires de Kilibien pour tous les enfants qui ne peuvent pas se déplacer. Avec cette radio, vous n'en raterez jamais une. La joie illumine si fortement le visage des bonhommes de neige qu'ils en deviennent éblouissants. Un vent gelé se lève d'un coup et fait claquer la porte et la fenêtre. Quand Baya et Léo rouvrent les yeux, ils sont seuls avec Kilibien. plus de traces du collier. Les deux enfants expliquent tout au vieil homme. Il ne se souvient de rien, mais se rappelle avoir eu très froid. Ce mois de décembre est décidément bien étrange, se disent-ils en rentrant chez eux. C'était un épisode de l'aventure de Noël. À demain pour le prochain.